Love Race, messieurs le bien. Authentique DJ, made it. J'y prends défense pour les femmes amoureuses, celles qui aiment avec leur cœur. Elle avait tout donné dans son amour immaculé. Elle avait tant aimé, mais sa vie a basculé. Elle est dans son coin isolé, emprisonnée dans ses pensées. Au fond de la défilée, y a sous ses yeux bas trop fin. Une femme est une expression de joie, de bonheur, de vérité. Elle fait de son homme son roi, bonheur, ma sincérité. Sa passion brûlante comme une histoire, Oyosuke et banité. Esprit corps et âme dans l'espoir de vivre une éternité. Mais au contraire, joie de se voir, confiance meilleure qualité. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a des hauts, y'a des bas. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a de pleurs, y'a de joie. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a des hauts, y'a des bas. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a de pleurs, y'a de joie. Je voulais une histoire sans déclin. Te marier et fonder une famille. Il a tracé son chemin. Il t'a oublié, s'il te plaît, fasse-lui. C'est pas un dauphin, mais un requin. Il t'a blessé, déchiré jour et nuit. Il t'a humilié, c'est un crétin. Tu peux crier, ton cœur est abattu. Reprends ta vie à demain. Tu peux prier, tu auras mieux que lui. T'as vécu un enfer, une image. À ses côtés, c'est fini aujourd'hui. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a des hauts, y'a des bas. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a de pleurs, y'a de joie. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a des hauts, y'a des bas. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a de pleurs, y'a de joie. C'est pas la peine de vivre ta vie sans morale. Elle ne reviendra plus. C'est pas la peine de te donner. C'est pas la peine de pleurer, chérie, sèche tes larmes. Son rêve est accompli. C'est pas la peine de souffrir pour lui, grande dame. Quand tout est foutu. Mais c'est lui qui t'a perdu. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a des hauts, y'a des bas. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a de pleurs, y'a de joie. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a des hauts, y'a des bas. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Y'a de pleurs, y'a de joie. Plus vivant que l'amour qui s'édorme. Quel ensemble dans tout ce qui résonne. Plus vivant et l'oiseau qui s'envole et qui laisse en passant la trace d'une.